L'école n'est pas si facile d'accès, code cassé. Tu veux évoluer, manque d'école, manque de formation professionnelle. Manque sur un manque, il faut de l'oseille. Après le bac, difficile de s'orienter nord, sud, ouest, est. Qu'est-ce que tu veux faire plus grand? Telle est la question événementielle. Je suis ce que je deviendrai, car la nature prend toujours le dessus et revient comme un refrain. Et puis les ondiers, les faits, gestes aux panneaux publicitaires de Fanta dans les écoles, ils sont fadas. Qui déconne, qui décolle, qui s'accroche, car il y a que comme passion, petit horizon, papillon. Pour se payer du savoir, il faut sortir le billet. Pour se faire livrer un livre, un compte et une histoire d'un prix. Pour un savoir à développer 30 E l'unité. C'est trop cher ou pas assez pour quelqu'un qui veut se former? J'ai une réalité fatale. Un ne va pas sans l'autre. Une idée, un savoir, une action, un travail. Mais le cap sur le trajet ne t'arrête pas en route. L'argent pour le savoir, pour un échange, le savoir pour l'argent. Et ça tourne en rond, petit pont, c'est mignon, petit papillon. Soulève la fonte, tout réfléchis à une issue, je mets les voiles, me voilà. Je suis mis, je me valide sur validation, j'opère dans les catacombes. Fous le bordel sur des comptes, sur le compteur. J'allume, je regarde la route, pas de panique, j'ai pris le pique-nique. Et là, ça te passe sous le nez, zidif. Petit trou, petit élève, lève le mâcheur en l'air. T'as pas l'air comme ça, tu es fait à quelle sauce? Tout se mélange, même et même si je ne suis pas là. Difficile de me trouver, le niveau est corrigé. Je me corrige, je me rapproche du score pour tout péter et envoyer au loin. Je joue, j'augmente mon niveau et me spécialise au l'artiste. Mon avatar, je suis là, en ligne et le vent qui porte conseil. Quand ça arrive à tes oreilles, tu entends la mer et la merde. Un ne va pas sans l'autre, une idée, un savoir, une action, un travail. Mais le cap sur le trajet ne t'arrête pas en route. L'école est à côté de chez toi, mais la route est longue, le travail te fait bouger, pop pop pop pop pop. Loin ou proche de toi, toi, tout ça se remue et fait la société pour être sociable. C'est aller pour se déplacer, empocher la Chevrolet, faire et parfaire le stade, c'est se faire la main. J'ai pas le temps en ce moment, je change de main, je divise pour une unité. Je m'applique, c'est féerique, à la carotte ira à ton voisin, je suis économe, m'en voulez pas.